Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gémozo 107 FM pour cette nouvelle édition de l'Heure des Loups, la quotidienne de 18h à 19h sur Radio Gémozo, comme je le disais à l'instant, et je l'avais annoncé un petit peu plus tôt sur la page Facebook et je l'avais annoncé hier aussi pour programmer, hein, pour le programme comme d'habitude. On va parler de, on va parler de cause animale, de protection et d'abandon avec l'association Chats sans famille, et j'ai avec moi Aurélie, Nelly, Isabelle et Emmanuela. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes là, vous faites toute partie de l'association Chasse en Famille, si je ne m'abuse. Oui. Et avant qu'on présente l'association, comme j'ai l'habitude de le faire, on va peut-être vous présenter toutes et que tout le monde situe qui vous êtes, parce que ça reste une association, donc il y a... Il y a un petit peu de tout, je crois. Il y a des membres du bureau, il y a des familles d'accueil, enfin bref. Donc je laisse tout le monde se présenter, à commencer peut-être par Nelly, qui est la présidente de l'association. Voilà, bonsoir. Je me présente, donc je suis la présidente, Nelly Côté, et je représente donc l'association Chasse en Famille de Remiremont-Pouxeux. Remiremont pour que ceux, en effet, on va parler aussi un petit peu plus tard dans l'émission du secteur que vous touchez. Et à côté de toi, à ta droite, c'est Aurélie. Oui. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Alors dis-moi, qui es-tu par rapport à l'association Chasse en Famille ? Alors en fait, au départ, j'étais rien. Et en fait, j'ai vu Nelly un petit peu être embêtée, ne pas avoir de famille et tout. Et j'ai commencé à l'aider à la capture des chats. Et comme elle n'avait pas forcément la place pour recueillir parce qu'elle en avait d'autres, je me suis proposée. Et du coup, je suis un petit peu bénévole famille d'accueil. Et de l'autre côté de la table, il y a Isabelle. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Alors, par rapport à l'association, quel est ton travail ? Moi, je suis juste famille d'accueil pour les chats. Juste famille d'accueil. Et enfin, il y a Emmanuela. Bonsoir Emmanuela. Bonsoir. Bah, je suis justement en famille d'accueil. Bah, j'ai commencé pour un papy de 21 ans. Maintenant, j'ai 7 chats à la maison de l'association. Et après, si je peux faire des autres choses, je le ferai par le futur. Aider encore plus. On parlera aussi des différents projets de l'association. De toute façon, l'émission de ce soir est dédiée à l'association Chats sans famille. Comme tu le disais un petit peu plus tôt, Nelly, qui touche le secteur Remiremont-Pouxeux. D'ailleurs, il faut que je le note. Dis-moi, l'association, elle est jeune, non ? Elle a été créée quand ? Oui, elle a été créée fin février. Pourquoi tu l'as créée, en fait ? C'est venu, j'ai vu sur Facebook les chats sur l'ancien collège Saint-Joseph, qui était assez malheureux, errant, donc abandonné. Et puis, c'est venu de là, donc je me suis dit, il faut faire quelque chose les chats errants. Voilà, c'est venu de là. Bon, j'ai aussi la passion des chats, évidemment, depuis toute jeune. Mais c'est vrai que c'est venu de là, voilà. Et donc, tu as créé l'association toute seule ou c'est épaulé d'autres personnes que non, tu l'as... Non, je me suis lancée toute seule. Et après, j'ai retrouvé donc deux autres membres du bureau, une ancienne amie d'enfance, qui est ma secrétaire, Hein, j'ai une trésorière qui était, j'étais amie aussi, une voisine. Et voilà, mais je veux dire, on était trois. Voilà, mais sinon, je me suis lancée toute seule. Voilà. Tu t'es lancée toute seule et c'est ainsi que l'association Chasse en Famille est née. Elle n'a peut-être pas encore un an, mais d'après ce que j'ai vu sur la page Facebook, parce que vous avez au moins une page Facebook Chasse en Famille que je rappellerai en fin d'émission et qui sera aussi taguée avec le podcast de l'émission ce soir. Donc tu gères quand même, ton association plutôt, gère quand même beaucoup de chats, non? Est-ce que, on va dire, au niveau des chiffres, depuis le début de l'association, Aurélie, tu as une petite idée? Non, tu saurais mieux que moi, Nelly, mais en tout cas, les chatons, il y en a déjà Les chatons, et... on en a déjà plus d'une douzaine à placer. Hein. Et là, comme ce soir, on m'a appelé pour 15 chatons quand même, hein, 15. Sur un lieu, 15. C'est, sur c'est la commune, hein, là, oui. Dormiremont. Saint-Nabor, Falière. D'accord, sur Saint-Nabor. Voilà, c'est une catastrophe cette année. Et hier, c'était 5 chatons sur Dommartin. Et j'oubliais aussi, oui, 5. Hier, pareil, sur Remiremont, vers le Palais des Congrès, 5. Alors oui, ajouter, c'est vraiment... C'est pratiquement ingérable, hein, je veux dire, voilà. Oui, en effet, je comprends, parce qu'il y a, beau y avoir plusieurs associations, je pense déjà à l'association que j'ai reçue il y a plusieurs semaines, le Paradis des Chats, oui. À qui je fais un coucou si oui. Elle nous écoute. Bah, qui on travaille aussi. Ensemble, mais malheureusement, malheureusement, toutes les associations, la SPA, tout le monde est saturé, et voilà, il n'y a plus de place nulle part. Est-ce que l'une de vous quatre sait comment ça se fait que toutes ces associations sont pleines à craquer d'animaux abandonnés? Eh bien, pourquoi la seule chose, la stérilisation. C'est pourquoi on se bat pour que les gens stérilisent leur animal. Comme là, ils ont rendu obligatoire l'identification, c'est comme on en parle tous, c'était pas là qu'il fallait commencer. Il fallait commencer par la stérilisation, rendre obligatoire la stérilisation. Et je pense qu'on va se battre là-dessus. Parce que c'est là, voilà, c'est le début de tout, il faut stériliser ses chats. Ah oui, vu que tu me dis, en effet, malgré toutes les associations qu'il y a dans le secteur, t'en es quand même à recueillir au moins 20 chatons en l'espace de 7 semaines-là, ce qui est quand même énorme. Ah bah oui, ça oui, fait, ça fait 20 chatons à placer, à trouver pour des familles d'accueil. On va parler aussi dans quelques instants de comment... comment l'association fonctionne, dans quel sens, on va dire, par rapport au chat, si on était un chat, comment ça se passerait au sein de l'association. Mais tant que j'y pense, et on le répétera à nouveau en fin d'émission, est-ce que pour l'instant, tu as dit il y a beaucoup de chats à gérer, est-ce que tu as besoin de quelque chose en particulier, des familles d'accueil, des bénévoles, des dons? Oui, oui, ah oui, on a besoin, bah, j'aurais besoin beaucoup de bénévoles, mais surtout des familles d'accueil. Ouais. Donc, on le rappellera bien entendu en fin d'émission et on parlera aussi de quelles sont les conditions pour devenir famille d'accueil, pour devenir adoptant, pour devenir bénévole. Enfin, toutes les informations seront données pour les auditeurs. Et tant qu'à faire, hein, j'aimerais bien savoir comment ça se passe si, par exemple, si moi j'étais un chat et que j'étais recueilli par ton association, comment ça se passerait pour moi? C'est-à-dire. Bah, imagine, tu vois, petite loup, petit chat abandonné qui se promène sur le bord de la route. Eh ben, disons qu'on on le récupère, tant bien que mal, quand on peut. Hein. Bon, évidemment, après, on l'amène chez le vétérinaire pour une visite. Hein. S'assurer, bah, souvent, ils sont atteints de coryza, donc on est obligé de les soigner. Et puis, bah, disons qu'avant, quand on peut, bon, qu'on nous le signale encore, qu'il y a un chaton abandonné à droite à gauche, on peut voir si une famille d'accueil peut le prendre en charge et tout. Mais sinon, moi j'en ai quelques-uns, pas beaucoup à la maison, je peux pas parce que j'en ai beaucoup moi-même aussi. Mais c'est vrai que là-dessus, on peut pas les prendre tous, on peut pas. C'est pourquoi on lance aussi un appel, on aurait besoin, un gros besoin d'un local. C'est surtout ça qui manque par ici, parce que on n'a rien. Hein, donc pour accueillir tous ces chats, et peut-être pour accueillir tous les chats qui n'ont pas encore trouvé de famille d'accueil. Bah, On ne peut pas tout accueillir de toute façon. On peut pas tout. Voilà, on ne peut pas. Hein. C'est ce que je vous dis tout à l'heure, c'est ingérable. Donc, un local, bon, il faudrait, comme on disait, hein, 2 pièces suffiraient pour bon, ceux qui sont contagieux, qui sont, hein, qu'on doit mettre, les chats qui sont sains, en bonne santé et tout. C'est vrai que c'est ça qui manque. Hein, c'est ce que j'explique aux gens aussi. Bon, ben, ils comprennent. Hein, quand malheureusement, je leur dis, ben non, je ne peux pas vous les prendre. Je peux pas, on ne peut pas faire l'impossible. Hein, bon, on essaye de trouver des solutions. Mais c'est pas toujours. Il arrive des fois que les gens acceptent de les nourrir sur le site voilà. En question. Donc ça facilite un petit peu les choses. Voilà. Quand oui. Même. C'est ce qu'on arrive à faire. Voilà. Et revenons un petit peu à nos moutons et à notre petite vie de chat. Donc tu as dit emmener chez le vétérinaire, traiter pour le coryza. On rappellera aussi dans quelques instants aux auditeurs ce qu'est le coryza et quels sont les risques. Mais voilà, une fois que le petit chat-loup est entre les mains du vétérinaire et qu'il est traité du coryza, qu'est-ce qui lui arrive ? Il part en famille d'accueil. Oui. Pour se commencer à habituer à faire confiance à l'être humain à nouveau, parce qu'il y a beaucoup aussi qui rentrent sauvages, qui ça se voit qu'ils ont souffert la bêtise. J'ai déjà accueilli des chats qu'ils avaient des blessures, qu'ils griffaient, on ne pouvait pas s'approcher, toucher. Maintenant, ils dorment avec moi. Mais c'est juste le temps qui fait les choses. Oui, le temps. La douceur, être patient. On parlera aussi un petit peu plus tard. Il y a beaucoup de choses dont il faudra qu'on parle un petit peu plus tard. Mais tant qu'à faire, je vais un petit peu suivre mon prompteur. Et on a parlé un petit peu plus tôt du nombre d'abandons qu'il y a. Et Nelly, tu m'as dit, c'est surtout parce qu'il y a, parce que les chats ne sont pas stérilisés. D'ailleurs, j'ai vu sur la page Facebook que c'est vraiment une des choses sur lesquelles vous battez le plus. Dans votre page à propos, c'est vraiment stérilisation des chats qui est marquée en premier. Vous pouvez rappeler aux auditeurs propriétaires de chats qui ne savent peut-être pas à quel point c'est important, pourquoi il faut faire stériliser son chat ? Eh ben, pour éviter la prolifération, tout simplement. Oui. Hein, voilà. Hein. Ah, parce qu'après, bon, en plus, voilà, hein, c'est les chats qui sont malheureux, abandonnés. Donc voilà, il faut stériliser son animal, hein, c'est tout. Sachant qu'une femelle peut porter bon nombre de fois. Oui, ça, les nombres de portées, ça va très très vite. Hein, donc voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui vraiment devant un gros problème, comme on peut dire. Voilà. Et au niveau de, on va parler statistiques si c'est possible, enfin on va pas donner des chiffres précis bien entendu, est-ce qu'il y a, comment dire, une tranche d'âge moyenne du chat abandonné ou pas plus que ça ? Il n'y a pas. Il n'y a pas de tranche. Hein. Oui, aussi bien petit que grand. Hein. Bon, il y a forcément énormément de chatons puisque les femelles oui, en refont encore dans les périodes qu'ils ont ça enfle rapidement. Ah mais... oui. Et est-ce qu'il y a peut-être une période de l'année où les animaux sont le plus abandonnés ? Là, j'ai vu Emmanuela hocher de la tête. Donc, toi, tu dis qu'il y a une période de l'année où il y a plus d'abandon ? Oui, l'été. Oui. Est-ce que tu peux répéter pour quelles raisons ? Les vacances, le plaisir. Oui. Alors comme il n'y a personne qui ne veut pas les garder, on le jette, c'est mieux. Oui, donc c'est comme un Kleenex, on le fout dehors, on le laisse dans la nature. C'est pas forcément pour les meilleures causes, parce que si l'animal, j'imagine, n'est pas stérilisé, il peut bien faire d'autres petits. Et puis voilà, hein, c'est la chaîne. Hein. Tu disais un petit peu plus tôt, Aurélie, qu'une femelle peut faire plusieurs chatons, et puis dans ses portées, il y a des femelles qui vont faire des bébés, oui, qui auront des femelles qui vont faire des bébés, enfin, etc. C'est toute une escalade, tout un cercle vicieux qui serait bien d'enrayer, alors non pas pour éradiquer les chats de la carte, hein, ne vous inquiétez pas, mais simplement pour limiter la prolifération. Voilà. Et forcément l'abandon par conséquent, parce qu'on l'a dit plus tôt, toutes les associations, les refuges, les centres sont pleins à craquer. Donc voilà, c'est important de bien être informé sur la situation des chats. Et d'ailleurs, on va peut-être se faire une première pause musicale, un morceau qu'Aurélie a choisi, je vais y arriver, le morceau Va, va, vie de Florina, qu'on s'écoute tout de suite et on se retrouve juste après sur Radio Guémozo. Un pas parfait, tu ne l'es pas choisi. Un jour on m'a dit envole-toi, vas-y. Tu tomberas sur le bitume, mais tu prendras l'habitude. Tu y laisseras quelques plumes, et c'est ta vie. Elle fera des promesses qu'elle ne tiendra pas. Elle fera des prouesses aussi quelquefois. Tu ne pourras pas la connaître, elle est faite de peut-être. Mais elle finit par te prendre dans ses bras. De retour sur Radio Guémouzo 107 FM, toujours dans l'émission L'heure des loups. Et si vous voulez, je vous invite à réagir à l'émission en nous appelant au 03 29 62 40 40 ou en nous écrivant sur notre page Facebook Radio Guémouzo. Ce sera toujours avec plaisir qu'on passera vos petits coucous. Je suis toujours avec Aurélie, Nelly, Isabelle et Emmanuela de l'association Chats sans famille. Et on a parlé, avant on a présenté l'association, on a présenté les personnes qui sont avec moi en studio et aussi l'importance de la stérilisation. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, ou Nelly tu pourras peut-être me le dire, tous les chats que l'association peut recueillir, parce que malgré tout elle a ses limites, on parlera plus tard, mais il manque déjà un local. Tous ces chats-là sont victimes d'autres chats qui sont pas... qui n'ont pas été stérilisés, c'est ça? Oui. Oui. Oui, oui. Donc ça fait beaucoup de chats à gérer, mais après tout, hein, c'est pas parce qu'un chat est abandonné que sa vie s'arrête. Et pour autant, j'ai entendu que vous êtes, il me semble, toutes un peu famille d'accueil. Donc j'aimerais peut-être avoir quelques anecdotes en fait pour inciter les auditeurs en fait à adopter des chats et même pas forcément des chatons. Aurélie, je t'écoute. En fait, je vais raconter ma première expérience. Donc, juste deux chatons recueillis sur une portée de 5. Donc là, c'était pour rendre service à Nelly, qui n'avait pas forcément la place. Je lui ai dit, si tu veux, je les prends chez moi en attendant. Et finalement, c'était deux petites femelles. Elles se sont très, très bien socialisées à force d'aller les caresser. Pourtant, c'est des petits chatons nés dans une haie. Et puis à force de leur parler avec douceur, les caresser, elles sont devenues hyper câlines. Donc l'une d'elles est partie chez ma voisine en face et l'autre, je crois qu'elle va rester chez nous. Elle est trop câline, elle est adorable. Donc parfois ça arrive aussi, on s'attache et on a grandi la famille de nos petits poilus. Comme tu le disais, hein, un chat initialement sauvage peut devenir tout à fait sociable et demander beaucoup d'amour. Isabelle, est-ce que tu as des anecdotes similaires? J'ai qu'un chat, il n'y en a qu'un. Oui. Et il a plus d'un an, à mon avis. On ne sait pas trop exactement l'âge qu'il a. Non. Et c'est un chat qui est très, très, très gentil. Très, très calme en plus, et je pensais vraiment pas l'avoir en plus, parce que j'ai deux chiennes de York, et j'avais dit à Nelly, surtout si ça marche pas, on va essayer, mais c'est pas dit que ça va faire, hein. Surtout que les miennes, elles courent tout le temps après les chats, alors, mais là ça a été impeccable. Ah. Il est arrivé, même les chiennes, je pensais vraiment pas qu'elles allaient s'attacher comme ça. Mais là, il a pris ses aises aussi, parce qu'il est grand, et les chiennes sont petites. Le chat est plus grand que les chiennes. Donc, automatiquement, le chat aime bien embêter la plus petite, c'est-à-dire la plus âgée. Alors, à chaque fois qu'il la voit, il lui fiche des petits coups de patte, mais sans lui faire mal, c'est juste pour jouer. Seulement, j'ai ma chienne qui est très âgée, là. Elle n'est pas trop, trop joueuse. Mais autrement, c'est un chat qui est magnifique, vraiment magnifique. Je pensais vraiment pas que ça irait avec les chiennes. Hein. Ah ben on peut l'imaginer, et pourtant ça colle, donc c'est tout à fait possible d'avoir déjà des animaux chez soi et d'en accueillir d'autres. Hein. Bon, attention, ça veut pas dire que ça marche avec tout le monde, mais en tout cas c'est possible, et si c'est possible, il faut quand même essayer. Et Emmanuela, dis-moi, quel est ton rapport, toi, avec les chats victimes d'abandon? Je pense que je vais raconter un de l'association, mais j'ai tellement vécu que j'ai pas de mots. Mais je pense que c'est la portée des quatre chatons. Il m'a griffé tout de suite quand je l'ai pris dans mes bras. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? C'était tellement sauvage, mais j'ai laissé le temps. Après 2 jours, je faisais sa toilette, j'enlevais ses poils parce qu'il est poilu. Je suis allée voir son cou, il y avait une blessure. C'est pour ça qu'il m'a griffé. Maintenant, chaque fois que je vais à la chambre le voir, il ne fuit plus, il me laisse caresser, il me laisse faire tout. En espace même pas 2 semaines. Oui, donc là aussi, comme tu le disais, ça rejoint ce qu'Aurélie disait. Des chats initialement sauvages peuvent être tout à fait sociables, tout à fait... approchables, hein, ils peuvent s'intégrer à des familles, mais c'est vrai que j'ai pas encore demandé à Nelly. Toi, j'imagine aussi que tu as des chats, que tu as recueilli des chats chez toi. Ah bah oui, alors actuellement, donc j'ai un chat âgé de 2 ans qui s'appelle Zouzou, qui a été rejeté, remis à la rue par des jeunes 2 fois de suite. La troisième fois, j'ai dit c'est fini, je ne leur rends plus. Je le retrouvais dans un état lamentable dans la rue. Donc voilà, je lui cherche une bonne famille. Hein. Pour le moment, il est chez nous. J'ai un petit chaton âgé de 2 mois et demi que j'ai sauvé d'une ferme abandonnée, qui va partir dans 8 jours. Je lui ai trouvé une très bonne famille à Thiéfosse. Hein. Et là, j'ai un chaton en plus qu'on a trouvé né d'une chatte errante dans une rue d'Ormiremont, âgé de 3 mois et demi, je pense, hein, qui a perdu son œil. On a été obligé donc de l'opérer. Et voilà, mais ils sont très très gentils, tous sociables, voilà. Et dis-moi, tant qu'à faire, hein, de toute façon j'ai encore plein d'autres questions, mais tu as parlé de la faire opérer, c'est vrai que c'est une question que je voulais soulever. Les partenariats, parce que bon, il y a plein d'associations qui se chargent d'animaux, qui ont des partenariats avec les cabinets vétérinaires, et je me suis dit que ce serait peut-être le moment d'approfondir la question. Donc c'est depuis le début que tu es, j'imagine que tu es en partenariat avec un cabinet vétérinaire. Oui, bah oui. Oui, ça permet d'avoir des tarifs préférentiels sur. Voilà, des déjà vaccins, ben, avec des... les vétérinaires. Oui. Bon, voilà, c'est. Mais bon, c'est encore pas. Il nous faudrait encore plus. Hein. C'est vrai que ça suffit pas. Oui, bien entendu, ça se comprend. Mais en attendant, voilà, ça nous permet de. Hein. Ça permet d'alléger un petit peu les charges, ben, voilà, des soins. De. Oui, parmi les soins aussi, on avait parlé du coryza, des soins à donner pour les petits chats. C'est dangereux, ça, le coryza ? Comment ? Le coryza. Ah, alors là, c'est vrai qu'on en soigne beaucoup, beaucoup. Là, dernièrement, j'en ai amené encore la semaine dernière. Il lui a fait carrément des injections dans l'œil. C'est vraiment... bon, le coryza, c'est vrai que ça, c'est... Les chats peuvent c'est perdre les chatons, leurs yeux. Ah oui, donc c'est dangereux, on c'est grave. On se trouve confronté à ça assez souvent, hein. Ça, c'est vrai. Très que contagieux aussi. C'est contagieux. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut les séparer, qu'on peut pas, qu'il nous faut de la place, parce qu'on ne peut pas les mettre, mettre en quarantaine. Voilà. Donc voilà. Mais ça se soigne très très bien. En 3 semaines, il faut compter 3 semaines quand même. Hein, 3 semaines, après avoir vu quand même le vétérinaire. Hein. Mais c'est, voilà, ils ont des soins adaptés ou ils n'en ont pas, l'injection suffit. Hein, faut juste surveiller, mais c'est vrai que le jeune chaton est souvent confronté, tout dépend dans le milieu où il est né, tout ça, je pense que c'est important, c'est ça aussi qui est... Hein. Mais... Bien sûr, et comment dire, et bon, j'imagine, même s'il y a des tarifs préférentiels avec les cabinets vétérinaires, se charger de tous ces chats au bout d'un moment, ça peut être financièrement lourd, j'imagine. Ah ben, c'est vrai qu'il faut faire très très attention. Hein. Donc au niveau matériel, moi, ma priorité, je n'achète rien, ni cage de trappe. Ma priorité pour le moment, hein, donc les moyens financiers sont, comme on dit, faibles, sont pas rares. Hein, moi, je garde pour soigner, stériliser les chats. Moi, c'est... Voilà. Le matériel, c'est après. La priorité, c'est de pouvoir soigner. Et si, comme on a dit, hein, tu l'as dit, vous avez quand même des petits moyens, si un auditeur a peut-être envie de faire un don, d'aider, comment est-ce qu'il peut faire ? Est-ce qu'il peut déjà, je ne sais pas, amener des sacs de nourriture ou de litière à l'association ? Oui. Oui ? Oui. Et où est-ce qu'il peut les déposer ? Alors, donc... là, on a pour le moment, j'ai fait une collecte au Tabac Presse les Capucins. Le Capucin. Hein. J'ai fait actuellement, je vais le faire une ou deux fois par mois à Casino. Oui. Donc voilà, ça a très bien, en plus, ça a très très bien marché. Et il y a des gens qui me demandent, sur Internet, on me contacte pour justement savoir où ils peuvent déposer. Les collectes, les croquettes. Et les dons, soit qu'ils envoient directement au siège social. Et où se trouve-t-il ? Où se trouve le siège social ? Alors, le siège social, c'est 4 rue du capitaine Georges Poirot, à Remiremont. Hein ? J'ai déposé quand même aussi une petite, une boîte au Capucin, au Tabac Presse Capucin, donc pour les dons. Hein. Je l'ai déposée récemment, là. Donc voilà, c'est possible d'aider l'association par différents moyens, en donnant à manger, en donnant d'argent, oui, ou en accueillant un chat. Et je pense qu'on va voir dans quelques instants comment on peut être famille d'accueil ou non. Mais avant, on va s'écouter une pause musicale, un morceau de Michael Jackson, You Are Not Alone. Parce qu'après tout, vous aimez les chats, vous savez pas comment faire pour les aider, ne vous en faites pas, vous n'êtes pas seul, vu que l'émission de ce soir est dédiée pour vous. Et pour vous, on va passer cette musique qu'on va s'écouter et on se retrouvera juste après sur Radio Guémozo. Another day is gone, I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. You never said goodbye. Someone tell me why. Did you have to go? Thank you. Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Vous avez écouté à l'instant You Are Not Alone de Michael Jackson. Et toujours avec Aurélie, Nelly, Isabelle et Emmanuela de l'association Chat sans famille. Et si un auditeur a envie de réagir avec nous en direct, n'hésitez pas. Bon, c'est maintenant qu'il faut le faire, hein, mercredi 29 août à 18h35, qu'il faut appeler au 03 29 62 40 40 ou écrire sur notre page Facebook Radio Gémozo, là où vous pouvez sans aucun problème poser vos questions à mes invités. Et d'ailleurs, s'il y a bien quelque chose que j'avais dit avant la pause musicale, c'est qu'on parlerait des familles d'accueil et des conditions pour être famille d'accueil. Alors j'ai quand même laissé Nelly beaucoup parler, je ne sais pas si je vais laisser à quelqu'un d'autre la parole. Je ne sais pas, Isabelle, tu es tentée pour parler des familles d'accueil, hein? Famille d'accueil, déjà c'est Nelly qui choisit déjà qui va être famille d'accueil. Il faut déjà être sûr de pouvoir garder un chat assez longtemps. C'est pas un chat qu'on va garder 8 jours ou juste pour le plaisir. Ça peut durer longtemps, hein. S'il y a personne qui vient l'adopter, nous on peut le garder des années, hein. Et je sais que lui, celui que j'ai, il risque de peut-être bien rester pour de bon. Mais c'est sûr. Parce que le principe de base d'abord d'une famille d'accueil, c'est d'accueillir un chat pour un temps. C'est pas une adoption. Techniquement, c'est pas définitif. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais après, ça peut l'être, hein. J'ai quand même entendu qu'il y a des accueils qui ont fini en adoption. Puisque c'est Nelly qui choisit, je ne sais pas si quelqu'un d'autre est à même de répondre. J'imagine qu'il y a quand même certains critères à respecter pour être famille d'accueil. Ah ben oui, c'est vrai que disons qu'on normalement le chat ne doit pas sortir déjà. Hein. Le chat doit rester à l'intérieur. Hein. Puis responsable. Il y a une responsabilité quand même. Hein. Donc voilà, il faut quand même prévenir la famille d'accueil. Il faut s'assurer aussi des autres animaux que la famille d'accueil possède, hein, voir si ça ira. C'est vrai qu'on se rend quand même sur place. Hein. On discute au premier abord. On ne donne pas l'animal comme ça. On discute avec la famille d'accueil. Et il faut savoir qu'on ne peut pas dire vous allez l'avoir pour une journée ou deux. C'est indéterminé. Donc, si c'est quelqu'un qui me dit non, c'est pour quelques jours, on est obligé de refuser. On ne sait pas quand le chat va être adopté. Hein. Par contre, il faut savoir aussi que la famille d'accueil est prioritaire. Hein. Pour l'adoption, si elle veut le garder. Oui. Voilà, je pense que c'est normal. Hein. Ça peut se comprendre, en effet. Parce que pour moi, la famille d'accueil, c'est très important. Pour moi, c'est le pilier de l'association. C'est elle qui fait le travail, hein, le travail de sociabilisation. Tout, c'est grâce à la famille d'accueil qu'on peut aussi amener un chat en adoption et un chat qui va être adorable, qui va être très sociable. Je pense que c'est très, très important. Pour moi, ça représente beaucoup. J'admire beaucoup leur travail, je leur fais confiance. Pour moi, sans famille d'accueil, l'association ne peut pas vivre, hein, c'est vrai que... Oui, en effet, parce qu'il faut garder tous ces chats que vous ne pouvez pas toutes garder. Hein. Malheureusement, chacun fait ce qu'il peut. Mais comme tu le disais, c'est tout à fait possible d'accueillir un chat. Et comme Isabelle le disait plus tôt, c'était inattendu, mais avec tes chiens, ça a bien marché. Donc c'est tout à fait possible et c'est possible de faire d'un chat créatif un chat tout à fait sociable et câlin. Ça c'est pour être famille d'accueil. Il y a beaucoup de familles d'accueil ou est-ce qu'il y a un besoin particulier de plus de familles d'accueil pour l'association? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Hein. Actuellement, j'en ai que 3. C'est peu. Bon, j'ai une quatrième qui est un peu... qui doit me reconfirmer, hein. Mais bon, ça suffit pas. Ça suffit pas et c'est pas trop ce que ça correspond pas trop. Hein, voilà. On peut signaler quand même qu'il y a eu justement il y a une vingtaine de minutes, 25 minutes, un petit appel sur Facebook qu'on a vu quelqu'un s'est manifesté. On la remercie. Elle sera contactée par la présidente. Voilà. Oui. Ah bon, personne de Saint-Étienne-lès-Mermont. Voilà, qui nous écoute. Merci. Merci beaucoup. Parce qu'on déborde un petit peu. C'est vrai que là, Non, mais c'est vrai que c'est moi, vraiment... Moi, j'avoue que si on m'en reprenait un petit peu, même Emmanuela, je crois qu'elle déborde aussi. J'avais 5 à moi, là je me trouve avec 12. Voilà. Ah oui, donc en effet, voilà, c'est... on déborde vite. Hein. En plus, avec beaucoup. Deux chiens, tout ensemble. Et puis, quand on a des chatons sauvages, c'est un énorme travail aussi, il faut en être conscient. Oui. Il faut vraiment aller les habituer aux caresses, à l'humain, tous les jours. Il faut vraiment passer du temps avec... Moi, je prends mon cas personnel, en ce moment je rentre assez tard chez moi. Malgré tout, je passe du temps dans la chambre des chatons pour qu'ils s'habituent à l'humain et que j'espère les rendre assez câlins pour qu'ils soient vite adoptés. Mais voilà, il y a du travail. Après, on parle beaucoup des chatons aussi, mais il y a des adultes qui attendent aussi leur famille. Moi, j'ai un pauvre chat aussi dans une maison que je suis en train de rénover un petit peu, que je vais bientôt habiter. Il a 10 ans, il s'appelle Pépère, et il attend sa famille pour le reste de sa vie. Mais il a été un petit peu traumatisé, donc au départ, il se cachait beaucoup sous les meubles, même dans un coin de pièce, il se mettait la tête dans un coin tellement il avait peur de tout. Et maintenant, il s'est habitué à moi. J'aimerais bien qu'il s'habitue à sa famille définitive. Bien sûr, un petit peu plus tôt, vous avez parlé d'un autre pépère de 21 ans, c'est ça ? C'est toi qui l'as, Emmanuela ? Oui. Bambi. Oui. 21 ans. C'est suite à une hospitalisation, parce qu'on a aussi les chats de personnes, malheureusement, qui l'hospitalisation dure. Là, on l'a depuis le 2 juillet. Hein. Il a 21 ans et 8 mois. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais c'est déjà revenu dans d'autres émissions sur la cause animale. Les chats ne sont pas toujours abandonnés comme ça parce qu'on n'en veut pas, mais il y a des maladies, je crois, des parts en maison de retraite, j'ai entendu parler de ça. Il y a aussi parfois quand ça passe vraiment pas, des problèmes de comportement ou quand c'est vraiment pas gérable. Oui, on a un cas actuellement qu'on va faire un sauvetage, là. La personne qui n'en veut plus à 80 ans. Donc, ça y est, on lui a trouvé une famille d'accueil, grâce à Aurélie, là. Donc, c'est vrai que, c'est des sauvetages qu'on fait entre les chats errants. Vraiment, on dit les chats errants. Mais il y a donc toutes les hospitalisations. Donc, maintenant, ils passent par nous. Il y a plein de cas, mais au moins les chats ne se retrouvent pas à la rue, sans rien. Dans le meilleur des cas, donc, s'il peut être pris en charge par vous, qu'il a une famille d'accueil et qu'il finit par trouver le Saint Graal, une famille qui est prête à l'adopter. Ouais. Est-ce qu'il y a des conditions en fait en particulier ? Est-ce qu'il faut faire quelque chose pour être famille adoptante ? Ah oui, c'est vrai qu'on s'assure de beaucoup de choses. Ça dépend aussi beaucoup des chats. Tout dépend le comportement du chat. Oui. Moi, celui de 10 ans que j'ai, il serait peut-être mieux dans une famille où il n'y a pas encore trop d'animaux, une famille calme, peut-être sans enfants. Un chaton, il va se faire plus facilement à tout. Enfin, ça dépend vraiment des chats aussi. Mais c'est vrai qu'on leur demande aussi du sérieux. Donc, c'est pour ça qu'on fait un contrat d'adoption. Comme on dit, ils payent déjà beaucoup moins cher que s'ils l'amenaient stérilisé, identifié, tout, que chez le vétérinaire. Donc, au moins, on sait que le chat aura les soins qu'il faut. Que ça sera fait. Oui. C'est pour ça qu'il y aura aussi moins de prolifération, comme on dit. Plus on fera d'adoption, plus les chats sont stérilisés. On arrivera peut-être. Et plus il y a d'adoptions et plus on peut en sauver d'autres. Ça amène aussi beaucoup, donc on peut en sauver d'autres. En parlant de contrats, ça aussi, ça se fait aussi dans les autres associations et à la SPA. J'imagine que pour les soins qui ont été donnés, il y a une contribution financière aussi à verser à l'association. Donc une somme qui est demandée pour la stérilisation, l'identification et le premier vaccin. On demande les vaccins, si la personne encore ne veut pas vacciner, on ne va pas... C'est négociable. Il y a beaucoup de chats qui ne sont pas vaccinés. Oui, donc l'important c'est la stérilisation, l'identification. Là, j'ai fait pas mal d'adoptions. Je suis très contente. Les familles m'envoient régulièrement des photos. Donc je m'aperçois que le chat est vraiment bien. Ça fait plaisir. On est heureux pour... On est heureux pour ces chats qui ont trouvé une voilà, famille. Voilà, vraiment une vraie famille. Voilà. Et si, en effet, on réussit à trouver des familles pour les chats, vous pouvez en sauver d'autres. Et d'ailleurs, on va finir un petit peu sur cette touche après la dernière pause musicale. Les secteurs et comment ça se passe si on trouve un chat abandonné. On va s'écouter une dernière pause musicale de Jean-Jacques Goldman, Au bout de mes rêves, parce qu'après tout, c'est important pour vous d'aller au bout de vos rêves et bien de pouvoir subvenir au bien-être de tous ces chats. Donc on va s'écouter ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. C'était Jean-Jacques Goldman pour Au bout de mes rêves, parce que le rêve de l'association Chats sans famille est de trouver justement des familles à ces chats. Vous êtes toujours dans l'heure des loups et vous pouvez sans aucun problème réagir ou passer un coucou via Facebook ou par téléphone au 03 29 62 40 40. Et on a le coucou d'une auditrice qui s'appelle Zolveig, qui est d'Alsace. Bonsoir Zolveig. Alors, on en était à... Oui, c'est vrai, j'ai repris le fil. Donc, si on a dit un petit peu plus tôt, si vous réussissez à trouver ou s'il y a des gens qui se manifestent pour accueillir ou pour même adopter d'autres chats, vous pouvez en sauver d'autres. Parce qu'en effet, là, le travail est loin d'être fini. Il y a toujours des chats à sauver. S'il y a peut-être un auditeur qui tombe sur un chat... peut être abandonné, quelle est la première chose à faire pour lui ? Bah de contacter l'association au 06 10 74 65 37. Il n'y a pas d'horaire. Voilà, on peut me joindre à tout moment. On rappellera ton numéro à nouveau en fin d'émission avec ta page Facebook. D'ailleurs, voilà. L'heure file, donc c'est déjà bientôt la fin. Supposons, je ne sais pas, que la personne se trompe et que le chat a déjà une famille. Il la retrouvera vite. De toute façon, on les met sur pète alerte, 88, hein, voilà. On voit aussi avec les vétérinaires, hein, oui, vétérinaires, police municipale, tout ça. Donc, on travaille tous ensemble. Donc, voilà, il n'y a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Si le chat est pucé, il retourne très Si le chat est pucé, tout, ça nous est arrivé. Il retrouve sa famille dans la soirée, dans l'après-midi. On nous téléphone. Voilà, il n'y a vraiment pas... S'il ne l'est pas, c'est vrai que Pet Alert fonctionne très bien. Ah bah oui, très c'est vraiment aussi, très bien aussi. Donc voilà, je vous dis, c'est une famille en fin de compte aussi. Hein. Oui. Voilà, la police municipale, les vétérinaires, Pet Alert, l'association. Voilà, il faut qu'on travaille tous, comme on dit, on travaille main dans la main. Oui. Donc voilà. En effet, c'est tout un réseau. Et on ne laissera pas les personnes comme ça, sans conseil, sans rien. Donc voilà. Mais voilà, il ne faut pas qu'ils hésitent, ils nous contactent, ils contactent le vétérinaire qui va nous recontacter à nouveau, la police municipale. Il n'y a pas de... Voilà, la mairie, hein, les mairies aussi. Donc voilà. Donc ça c'est, voilà, si jamais on trouve un chat peut-être abandonné, et puis après vous faites le reste du travail, vous assurez s'il est bel et bien abandonné. Voilà, on s'assure voilà, déjà s'il est identifié ou pas. Hein, voilà. Et puis après, la boucle est bouclée avec ce qu'on disait en début d'émission. Donc, si effectivement, il est abandonné, vous essayez de l'attraper, vous lui donnez des soins, vous lui trouvez une famille d'accueil. Voilà. Et dans le meilleur des cas, et on l'espère sincèrement, il est adopté. Tout ça, c'est le travail de l'association Chats sans Famille et d'autres associations. Hein, donc, si d'autres associations ont des appels à lancer, bon, c'est pas le moment pour l'émission là, mais n'hésitez pas à faire appel à nous, vu qu'après tout, hein, on est là pour se serrer les coudes, comme tu le disais, tout le monde travaille ensemble, et tu l'as dit un petit peu plus tôt, il y a régulièrement quand même besoin de familles d'accueil, il y a besoin de dons, que ce soit de la nourriture ou de l'argent, et aussi ce dont vous avez besoin en ce moment, ce qui est important, c'est un local, c'est bien ça. Ah oui, ça c'est très très important, on a du mal, on n'arrive pas à gérer tout ce qu'on voudrait, c'est sûr que... C'est et vous cherchez, j'imagine, quelque chose plus sur Remiremont. Pas trop éloigné quand même. Oui, pas trop éloigné parce que vous gérez les chats sur le secteur Remiremont Bouxeux, et Bouxeux, voilà. Donc ça reste quand même un bon secteur. Oui, voilà. Là où voilà, vous pouvez quand même, vous gérez quand même beaucoup de chats, du moins autant que vous pouvez, parce que tu l'as dit un petit peu plus tôt dans l'émission, Nelly, vous pouvez pas non plus accueillir tout le monde. Hein, malheureusement, c'est pas large de nouer. Voilà. Ouais. Au niveau des accueils, là, je crois qu'on peut plus du tout, Mais les gens peuvent continuer aussi à aider, même sans accueillir. Hein, ils peuvent accepter de les nourrir sur site. C'est déjà une grande aide. Oui. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas dit non plus, c'est qu'elle parle de travailler à Remiremont et Bouxeux, c'est parce que les mairies ont signé un partenariat. Voilà. Ah, c'est une convention. Voilà. On a signé une convention avec... C'est très important aussi que les mairies se rendent compte que... Il faut qu'elles soutiennent les associations et que c'est comme ça qu'on peut avancer dans la stérilisation des chats errants. Sinon, c'est vrai qu'on avance, on n'avancera pas. Hein. Tant que les mairies ne seront pas sensibilisées, hein, ça, voilà. Beaucoup refusent. Et après, les habitants, on a les appels des habitants qui sont désorientés. Ils ne savent plus quoi faire. Ils se retrouvent, les chatons, les chats, la chatte vient avec les chatons accoucher sur leur terrasse. C'est vrai que, voilà, c'est pareil pour eux. C'est vrai qu'il y a beaucoup à, beaucoup à faire hein, dans ce domaine-là. Oui, c'est... en effet. Ouais. Ça se comprend. Et on peut se tourner, bah, comme tu l'as dit, vers les mairies, vu que tu as signé quand même un partenariat avec les mairies. Comme tu le disais, tout le monde travaille ensemble. Voilà. Donc j'imagine que si quelqu'un appelle catastrophé une mairie, il saura vers qui. Aussitôt, c'est basculé vers la police municipale, qui revient vers moi, voilà, ou les vétérinaires. Voilà, il n'y a pas de souci du côté-là. Donc c'est un réseau tout à fait organisé pour les personnes qui ne savent pas vraiment quoi faire, comment gérer les chats. Mais tu l'as dit aussi, Aurélie, c'est important de le rappeler, hein, si vous ne pouvez plus accueillir pour l'instant, mais ne serait-ce que leur donner à manger sur site en attendant pas qu'ils meurent de faim. C'est important. Ou de l'eau aussi, là, je pense qu'on a une autre dose d'eau pour l'instant, mais par ces fortes chaleurs, c'est important aussi de s'assurer que les animaux ne se déshydratent pas, parce qu'après tout, ce ne sont pas des meubles, ce sont des êtres vivants, je le rappelle. Tout ça, pour l'association Chasse en Famille, qui, encore une fois, a besoin de bénévoles, de familles d'accueil, de dons, d'un local aussi. Donc, si quelqu'un a peut-être un local à votre, qui peut peut-être vous convenir, il suffit de vous contacter. Oui, parfaitement, voilà. D'ailleurs, comme la fin de l'émission approche, on peut peut-être rappeler aux auditeurs comment contacter l'association. Donc déjà via la page Facebook Chasse en Famille qui sera taguée dans le podcast de l'émission. Mais tu as donné un numéro de portable, tu peux le rappeler ? Voilà, oui, 06 10 74 65 37. Donc ça, c'est pour l'association Chats sans famille. Et je ne sais pas s'il y a encore une dernière chose à dire à nos auditeurs pour ce soir. On pourrait peut-être parler de la capture des chats qu'on fait pour stériliser les chats errants dans les quartiers, dans différents quartiers. Pourquoi pas ? Parce que ça c'est bien, on fait la capture, mais il faut se dire qu'après, la loi EU exige qu'on remette donc les chats sur le site où on les a capturés. Malheureusement, il y en a qui acceptent, malheureusement, il y en a qui n'acceptent pas, donc on est un peu aussi embêtés du côté-là. Alors, en fait, pour faciliter la capture, Nelly a une technique d'approche que beaucoup d'associations ont également, c'est en fait du nourrissage sur site. Et à partir de là, les chats commencent à approcher l'être humain tout doucement, mais c'est des jours, des semaines, des mois de travail. Et si les gens n'acceptent pas cette nourriture qui est donnée aux chats, l'association ne peut pas avancer non plus. Les captures sont compliquées avec les chats adultes et on parle de capture là de chats à stériliser et à relâcher ensuite. Voilà, les chats vraiment errants. Hein. Oui, donc il faut aussi que les habitants coopèrent. Travaille avec nous s'il n'y a pas de... Nelly, malheureusement, ça nous arrive, on est confronté à ça. Hein. Oui. Confronté à des gens qui avaient des chats errants dans leur jardin et qui... Et qui ne veulent pas qu'on nourrisse, ils n'en veulent plus. Mais pour ne plus en vouloir, nous on est obligés aussi, on veut les stériliser, on veut tout faire. Mais après, on les remet, ça c'est une loi, c'est la loi EU qui exige qu'on les remette sur le point. Après... Il n'y a plus de prolifération, il n'y a plus de chatons, il n'y a plus rien. C'est des chats, on appelle des chats libres. Mais malheureusement, il y a des gens qui font barrage. Voilà, des gens qui ne comprennent pas notre point de vue. D'ailleurs, moi, ce que je veux mettre en place, donc après qu'on aura capturé les chats, dans différents quartiers, avoir plusieurs bénévoles, parce qu'il y en a, s'il y en a qui peuvent pas venir, 2-3 bénévoles, qui vont donc nourrir 2 fois par jour, je pense que c'est bien, nourrir donc les chats, parce qu'il faudra quand même toujours continuer à les nourrir. C'est pas parce qu'on les a stérilisés, identifiés, on va pas les laisser comme ça dans la rue. Donc il faut qu'on arrive à ça. Oui, continuer à se serrer les coudes pour que la situation des chats, en tout cas dans le secteur, s'améliore. Mais il y a plein... Voilà, qu'il y ait moins d'abandon, qu'il y ait moins de chats qui traînent malades, mal en point. Donc il y a déjà du mieux. Je trouve qu'il y a déjà... On ne rencontre plus beaucoup de chats malades, vraiment dans un état vraiment lamentable. On en a sauvé quelques-uns d'ailleurs, comme ça, dans la rue. C'est bien, je pense qu'il faut... Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore beaucoup de travail à faire et... Et ce sera tout doucement sur cette note qu'on va devoir s'arrêter. Mais avant de se dire au revoir, c'est déjà l'heure de faire la programmation de la soirée. Donc vous allez écouter à 21h Vivre et créer la montagne avec Vincent. Puis, pas d'autres émissions jusqu'à demain matin, 7h-8h, rediffusion de ce que vous avez écouté à l'instant, suivi de la chronique de Michel, commencera jeudi, et à 8h30, la matinale de Marion. Pour ceux qui n'auront pas la patience d'attendre demain matin, l'émission sera en podcast sur notre page Facebook Radio Guémozo ou sur notre site internet radioguémozo.eu, rubrique émission et rediffusion, rubrique l'heure des loups, aisément écoutable, téléchargeable sur ordi, smartphone, peu importe le système d'exploitation, ça marche. Et on se retrouvera demain pour une émission que j'ai enregistrée un petit moment. On va parler de musique classique indienne avec Juyita et Debo Jyoti Sanyal, donc amateurs d'ouverture culturelle. Hein. On se retrouve demain, mais en attendant, je suis toujours avec Aurélie, Nelly, Isabelle et Emmanuela pour l'association Chat sans famille. Hein. Allez sur Facebook, faire un tour sur leur page qui sera aussi taguée dans le podcast. Vous aurez plein d'informations, vous saurez quels seront les chats à adopter ou à accueillir. Et en tout cas, merci beaucoup les filles pour tout le travail que vous faites. Merci beaucoup pour vos informations et votre temps. C'était très précieux pour moi. Merci à vous. Merci aux auditeurs. Oui, en effet, merci aux auditeurs que je ne retiens pas plus longtemps vu que c'est déjà l'heure de dîner. En tout cas, si vous m'écoutez en direct. Et dans ce cas, on se retrouve demain, même heure, sur Radio Guémozo. Bonne soirée à tous.